Oh, souffle dans ma vie. Saint-Esprit. Esprit divin. Invite à mon cœur, forgé par la nuit de mes tourments, comme une terre aride qui attend l'arrivée de la pluie. Et si mon âme a soif de toi, oh esprit de vie de sagesse, répands-moi ton onction. Oh rosée de vie, que ta puissance descend sur moi, dans les consolateurs des âmes abattues, inonde mon cœur, Saint-Esprit, et comble ma vie. Que ta puissance descend sur moi, dans les consolateurs des âmes abattues. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, et comble ma vie. Oh, esprit d'intelligence, oh, esprit de sagesse, oh, esprit de révélation, révèle-moi ta volonté. Oh, esprit d'intelligence, oh, esprit de sagesse, oh, esprit de révélation, révèle-moi ta volonté. Répands ton onction sur moi, répands ton onction à tes serviteurs, répands ton onction dans l'église, répands ton onction. Sona yo papa, singangu ya na yo, soki yo kosa na tenzani, mosu swa jali te pona bongo inanga, ngana pusa ni libo sona yo, ubele na makasi na yo, soki yo kosa na te papa, mosu swa jali te pona bongo inanga. Nasengi makasi na yo, nasengi elonga na yo, nga nasengi nguya na yo. Mwinda na yo, yango pole na ngayo. Mwinda na yo, yango nzela na ngayo. Mwinda na yo, yango pole na ngayo. Yo nzela na Mwinana yo, yango pole na ngai. Mwinana yo, yango nzela na ngai. linda na yo ya mopole na ngai yo lenzela na manifeste ta puissance manifeste ta puissance manifeste ta puissance manifeste ta puissance manifeste ta puissance manifeste ta puissance manifeste ta puissance manifeste ta puissance ngana sengi kuya nayo lokola mokolo ya pateko oye kitela kibaye koli lelo oye kitela nga Nasini moli mo na yo Nasini moli